Le 25 juillet, le navire Wakashio s'échouait le long des côtes de l'île Maurice, provoquant trois semaines plus tard l'une des pires marées noires qu'ait connue l'océan Indien. Vendredi dernier, c'est au large du Sri Lanka qu'un pétrolier incendié a bien failli déverser sa cargaison dans le même océan Indien. L'incendie a heureusement été maîtrisé et la marée noire pour l'heure évitée. Et puis, au Yémen cette fois, toujours en proie à la guerre civile, un pétrolier abandonné à l'ancre menace de laisser échapper des millions de barils de brut. Depuis le Torrey Canyon en 1967, qu'avons-nous appris des marées noires et qu'est-ce que la recherche scientifique a permis pour mieux les endiguer? Marée noire, y a-t-il un espoir? C'est le programme pétrolier qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce que la science a appris des différentes catastrophes environnementales survenues ces 50 dernières années et comment elle a permis d'améliorer la lutte contre ces marées noires, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Budzinski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en chimie analytique et chimie de l'environnement au sein de l'unité de recherche environnement et paléo-environnements océaniques et continentaux de l'Université de Bordeaux. Et nous sommes également en ligne avec Nicolas Tamic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable opération au CEDRE, qui est le centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. Mais on commence par notre exploration quotidienne de l'actualité de la recherche scientifique. C'est le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, selon une étude parue dans la revue eLife, une équipe américaine aurait identifié un mécanisme qui expliquerait les cas graves de Covid-19. On connaît les effets de la tempête de cytokines, cet emballement du système immunitaire. Et voici l'hypothèse de la tempête de bradykinine. Ces chercheurs ont analysé des échantillons de liquide pulmonaire de 9 personnes atteintes de Covid-19 en Chine. Et ils les ont comparés à un groupe contrôle qui n'était pas malade. Ils ont trouvé une surexpression de gènes responsables de la production de bradykinine. Il s'agit d'un peptide qui baisse la tension artérielle et qui dilate les vaisseaux sanguins. Ce déséquilibre pourrait expliquer les symptômes de ces cas graves, les douleurs pulmonaires, mais aussi des symptômes neurologiques. La bonne nouvelle, c'est que l'on a déjà des médicaments développés sur cette voie de bradykinine. Il faut encore faire des tests cliniques, mais pour prévenir la gravité du virus, c'est peut-être une découverte importante. Bernard Rossier est professeur honoraire en pharmacologie et toxicologie à l'Université de Lausanne en Suisse. Là, il y a un énorme travail qui a été fait pour arriver à la conclusion que une des molécules les plus importantes pendant cette phase très sévère de la maladie était la bradykinine. C'est vrai que le contrôle de la pression sanguine est extrêmement complexe. En ce qui concerne la pression artérielle, un des systèmes qui est bien connu depuis fort longtemps, c'est le système rénine-aldostérone-angiotensine, mais entre autres la bradykinine, qui est vasodilatatrice et qui va donc diminuer la pression artérielle. Dans le cas du SARS, on avait mis en évidence le fait que le virus se lie à justement une enzyme qu'on appelle ACE2, qui est justement dans cette voie de synthèse de la bradykinine. Or, il se trouve que ACE2 est fortement exprimé dans le nez, dans l'épithélium olfactif, et ensuite, en quantité décroissante, dans les voies respiratoires. Le virus, il provoque une augmentation disproportionnée de la quantité de cette bradykinine. Et cette bradykinine va alors avoir des effets. Normalement, physiologiquement, c'est tout à fait bien, mais là, non seulement un effet hypotenseur, mais va provoquer une perméabilisation des vaisseaux. Donc, les petits vaisseaux vont commencer à libérer leur liquide dans l'alvéole et évidemment, ça va provoquer un syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est quand même la grosse différence par rapport aux autres infections à coronavirus, comme le SARS ou le MERS. On a démontré alors très clairement qu'on retrouvait le virus dans les vaisseaux. Donc ça veut dire que le virus a colonisé aussi les vaisseaux, et en particulier une cellule, la cellule endothéliale, qui est la cellule qui couvre la surface intérieure des vaisseaux. Évidemment, ces capillaires, vous les retrouvez dans tous les organes. Donc vous avez une maladie, ce qu'on appelle une maladie systémique avec atteinte multi-organes. Voilà, et tambours et trompettes, j'ai le plaisir de vous annoncer le grand retour de la radiographie du coronavirus. Ce sera sous une nouvelle forme tous les vendredis matins en lieu et place de la question du jour dans la matinale de Guillaume Erner. Et nous ferons le tour toutes les semaines, eh bien, à la fois des grandes avancées de la recherche autour de l'épidémie de Covid-19, mais nous essaierons aussi eh bien, de rétablir parfois la vérité scientifique autour eh bien, de désinformation, de ce qu'on appelle aujourd'hui les infox, les fake news qui tournent autour de l'épidémie. Rendez-vous donc aux alentours de 7h15, et bien tous les vendredis pour cette radiographie du coronavirus. Et on passe au bref. Selon une étude parue hier dans Nature Communications, partout dans le monde, les arbres poussent plus vite, meurent plus jeunes et vont bientôt stocker moins de carbone. La hausse des niveaux de CO2 dans l'atmosphère et la hausse des températures stimulent la croissance des arbres, même dans les forêts anciennes, ce qui les font mourir plus vite. Ces chercheurs américains ont examiné les cernes d'une centaine d'espèces à travers le monde. En dendrochronologie, la largeur d'un anneau indique la vitesse à laquelle l'arbre a grandi et leur nombre indique son âge. Ils ont ensuite comparé ces données à la quantité de carbone accumulée. En moyenne, la vitesse de croissance des arbres a doublé et leur durée de vie a chuté de 23%. Par conséquent, les arbres capturent moins de CO2 que prévu. Selon les auteurs, il faut revoir les modélisations climatiques sur la capacité des arbres à être des puits de carbone et réduire urgemment les émissions de gaz à effet de serre. La première navette routière autonome de France est testée en ce moment dans la Drôme. Et depuis lundi, une navette électrique sans conducteur circule sur un trajet de 5 km pour une dizaine d'arrêts dans la région. Elle s'appelle Betty et elle a été conçue par l'entreprise Navia. Un opérateur sera tout de même à bord pour vérifier la sécurité de ce nouveau véhicule autonome. L'objectif est de créer un véritable réseau de mobilité autonome, fiable, économique et pérenne. Betty est en test jusqu'à janvier 2021. Et enfin, la plus grande photographie numérique jamais prise fait 3,2 gigapixels et le sujet est vraiment très intéressant, Natacha. Oui, c'est une photo de chou-fleur. Et ben voilà. Un beau chou romanesco dans le moindre détail. On a déjà vu des gigaphotos avec des résolutions très élevées, mais il s'agissait de collages. Ici, l'image a été prise avec le réseau des 189 capteurs du plus grand appareil photo numérique du monde. Les chercheurs américains du laboratoire national des accélérateurs du SLAC viennent de tester leur nouvel appareil sur ce légume. Cette caméra est prévue normalement pour le télescope de l'observatoire Vera Rubin au Chili. Elle devrait prendre d'immenses photos du ciel d'ici 2021. Merci pour ce gros chou-fleur. On se retrouve demain, Natacha, pour le prochain Journal des Sciences. Une marée noire cet été, donc au large de l'île Maurice. Deux autres, a priori évitées pour le moment, au Sri Lanka et au Yémen. Depuis les années 70, après les catastrophes écologiques du Torrey Canyon ou de la Moko Cadiz, si le tonnage d'hydrocarbures déversés dans les océans chaque année a réduit un peu, passant de 4 millions de tonnes annuelles à 3 millions, la part que représentent les navires et donc les naufrages qui provoquent les marées noires est passée de plus d'un tiers dans les années 70 à environ 10% aujourd'hui. Alors même qu'en l'espace de 30 ans, le tonnage des marchandises et donc des hydrocarbures transportés par voie maritime a pratiquement doublé. Que comprendre de ces chiffres? Que la sécurité maritime et notamment des supertankers suite à ces catastrophes s'est améliorée ou que les normes de transport de ces produits se sont nettement durcies? Quelle réponse la science apporte-t-elle à ce phénomène des marées noires de l'amont à l'aval de la catastrophe? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui en remontant à la catastrophe non pas initiale, mais celle qui a contribué à la création de l'expression marée noire, le naufrage du Torrey Canyon. Nous sommes en 1967, le 6 avril précisément, dans le journal de France Inter. Le Torrey Canyon maintenant, on en parle encore, Jacques Ball. On en parle tout simplement parce que la nappe de pétrole se dirige à nouveau vers nos côtes. Les plages normandes, celles du Cotentin en particulier, sont les premières menacées par cette marée noire. Pourquoi les départements côtiers ont-ils raison d'être inquiets ce matin? C'est la question qu'a posée notre correspondant à Cherbourg, Alain Créache, à un spécialiste. Il fait un mauvais temps, la météo l'avait annoncé hier, depuis hier soir, il y a tempête, non seulement un bon coup de vent, mais même tempête, puisque ce matin, tous nos bateaux sont en pêche mauvais temps, et tempête de nord-ouest. 80 km heure, je crois, à peu près. À peu près, oui. Et nord-ouest, surtout, c'est important. Oui, nord-ouest. Très défavorable. Très défavorable pour nos côtes, puisque dans le sens du vent, si vous voulez, eh bien, il est certain que la nappe de pétrole se déplace directement en direction de la côte ouest du Cotentin. Il est certain que le courant et le vent soufflant dans le même sens et allant dans le même sens, il est certain, si vous voulez, que la nappe avance beaucoup plus vite. Et alors, ce qui se passe, c'est que cette nappe, qui était assez compacte et assez concentrée près du naufrage du Torrey Canyon, petit à petit va se disperser, elle va se fractionner, si vous voulez, en plusieurs nappes. Nos pêcheurs estiment que si le vent persiste, si le vent de nord-ouest persiste, il paraît absolument évident, si vous voulez, que du pétrole touchera nos côtes sous 48 heures ou 3 jours au grand maximum. Nos pêcheurs l'avaient prévu il y a déjà 8 jours et vous voyez que leur pronostic était bon, malheureusement. Voilà, printemps 67, le Torrey Canyon. Pourquoi considère-t-on d'ailleurs que c'est ce naufrage, cette catastrophe qui est la première marée noire, entre guillemets, de l'histoire contemporaine, Nicolas Tamik? Je dirais que c'est parce que c'est celle qui a été, qui a eu une image médiatique, le fameux oiseau en train de mourir dans la nappe de pétrole engluée qui fait tourner des médias, ben c'est ça le Torrey Canyon, c'est la naissance, la prise en compte finalement de l'opinion internationale, mais aussi des organisations internationales, aussi de l'État français. Du danger de ce type de circulation maritime et des nécessités de devoir la réguler, la réglementer afin d'éviter donc c'est les images du Torrey Canyon qui a déversé plus de 120 000 tonnes de pétrole, avec du pétrole qui est arrivé donc à la côte, avec un impact environnemental très très sérieux, puisque c'est arrivé au mois de mars, me semble-t-il, 1967. Et c'était en pleine période migratoire pour les oiseaux, ce qui fait qu'on a eu beaucoup d'oiseaux à mourir. Seulement 1% des oiseaux ont pu être récupérés au niveau de, enfin, ont été maintenus en vie. Donc ça veut dire que voilà, on a eu vraiment un gros désastre écologique à ce moment-là. Le Torrey Canyon, c'est aussi la prise en compte de la nécessité de bien travailler sur l'intervention. L'intervention qui ne doit pas se faire n'importe comment, avec n'importe quel moyen. Lors du Torrey Canyon, il y a été déversé plus de 10 000 tonnes de dispersants dans la mer pour disperser donc la nappe de pétrole. Et ces 10 000 tonnes ont été finalement plus redoutables que le pétrole lui-même, puisque lorsque le pétrole seul est arrivé à la côte, il a disparu en moyenne entre une durée de 5 à 8 ans, si vous voulez, c'est totalement désagrégé entre 5 et 8 ans, et avec le dispersant, il s'est désagrégé au bout d'une période de 10 ans. Donc on s'est rendu compte que l'utilisation du dispersant en très très grande quantité pouvait être un remède finalement qui était encore plus dangereux que le mal. Donc tout ça a donc donné naissance à cette réglementation c'était la gestation finalement de cette réglementation qui est maintenant bien établie et qui permet maintenant d'avoir des transports maritimes qui sont quand même globalement sûrs, hein, notamment pour tout ce qui concerne les pétroliers. Hein. Les pétroliers maintenant, ce sont les navires les plus sûrs de la planète, avec, suivant les informations de la Lloyd's, uniquement 1,6% des pétroliers actuellement qui partent, on va dire, entre guillemets, à la poubelle pour défaut d'entretien. Donc, c'est rien du tout comparé à un vraquier où on arrive sur du 40%. D'accord. On va voir justement les différentes strates, comment bien depuis le Torrey Canyon et avec les marées noires successives qui sont produites, comment on a appris petit à petit à éviter ce que vous venez de décrire, Nicolas Tamik, à savoir à avoir des solutions qui sont finalement plus dramatiques que le problème lui-même. Hélène Budzinski, une réaction à cette première marée noire du Torrey Canyon. Il paraît d'ailleurs que le terme marée noire, c'est un journaliste français qui l'a inventé, du télégramme de Brest. Quelles sont les caractéristiques de cette marée noire et qu'est-ce qui a permis finalement de faire évoluer la prise en charge des marées noires suivantes? Oui, en fait, c'est une des premières grosses en Europe et en France, donc c'est pour ça qu'elle fait date. Mais je suis pas sûre que ça soit elle qui ait fait entièrement tout évoluer. Je pense que c'est en fait une succession de différentes marées noires. Dont la dernière, peut-être en Europe, enfin il y en a deux emblématiques qui sont Erika et Prestige. À chaque fois, il y a eu une évolution, une prise de conscience différente. On vient d'entendre qu'un des problèmes du Torrey Canyon, c'est la période pendant laquelle la marée noire s'est déclenchée, donc le réveil biologique. Donc Et du coup, les solutions mises en œuvre sont forcément différentes quand on a des marées noires qui se produisent en plein hiver, au large ou près des côtes, en pleine tempête ou au contraire en période calme. Et on voit par exemple les ricas, les, on va dire, pétroliers n'étaient pas encore complètement sécurisés, sinon les ricas, ça serait jamais produit. Ça ne transportait pas du pétrole brut, mais c'était quand même produit pétrolier. C'était encore un simple coq. Mmh. Donc il a fallu quand même une succession de catastrophes pour qu'on arrive à une réglementation maintenant bien plus robuste en Europe. Et on parlera tout à l'heure des réglementations et comment les différentes marées noires ont fait évoluer ces réglementations. Mais on va parler avec vous un peu de ce que c'est et quels sont les enjeux finalement scientifiques de gestion d'une marée noire à partir eh bien, du début, c'est-à-dire eh bien, la diffusion des hydrocarbures en mer jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'arrivée sur les côtes. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc des enjeux scientifiques liés au contrôle et des marées noires et à la gestion des marées noires. Nous en parlons avec Hélène Budzinski et Nicolas Tamik. Peut-être pour commencer, il faut bien comprendre que toutes les marées noires ne se ressemblent pas, et notamment Nicolas Tamik, parce que cela dépend des hydrocarbures qui vont être répandus en mer, et bien sûr ensuite ça dépendra d'autres facteurs, mais peut-être pour commencer, il y a des marées noires sur lesquelles on peut quasiment ne pas intervenir parce que certains hydrocarbures vont bien se biodégrader naturellement à plus de 95%. Oui, alors de manière générale, le pétrole, dès lors qu'il est déversé en mer, on peut le comparer un peu à un être vivant. Enfin, il va être soumis à un processus de vieillissement. Ce vieillissement se fait dès la sortie du pétrole, dès son déversement en mer. Il va être soumis d'abord à un processus d'évaporation. Cette évaporation est plus ou moins importante. Elle sera très importante si on est sur des composés légers. Et en revanche, elle sera très faible, de l'ordre de 5 à 10% si on est sur des composés lourds. La photooxydation ensuite des rayons ultraviolets du soleil va entraîner un étalement de la plaque de pétrole qui va peu à peu se fractionner en plaques plus petites, puis on va avoir ce qu'on appelle en finale les fameuses boulettes de pétrole, les fameuses petites galettes de pétrole qui arrivent sur les plages. Donc ça, c'est le processus de photooxydation qui va faire ceci. Et en parallèle, le pétrole qui est sur l'eau va s'agréger à l'eau de mer pour produire un processus d'émulsification. Ce processus d'émulsification est redoutable en matière de lutte contre les opérations, contre les pollutions en mer, puisqu'il va augmenter les volumes à collecter avec un facteur de 3 à 4 en général. Hein. Donc quand on court après 1000 tonnes de pétrole à la mer, au bout d'une ou deux semaines, on va courir après 4000 tonnes de pétrole à la mer à cause de ce phénomène d'émulsification. Une autre partie du pétrole va se disperser dans la colonne d'eau, c'est-à-dire qu'il va se fondre dans la colonne d'eau. Il va vraiment se transformer en microparticules qui vont disparaître visuellement en tout cas. Et enfin, on va avoir une biodégradation du pétrole, puisque le pétrole à l'origine c'est un composé c'est naturel. C'est un composé naturel, oui, bien sûr. Ah oui, voilà. Et donc par un processus de métabolisation lié à des micro-organismes qui vont s'attaquer au pétrole, on va avoir une biodégradation, mais ça c'est sur des périodes beaucoup plus longues qui peuvent durer même des années. Alors certains pétroles en effet sont biodégradables en très grande quantité, mais pas tous, loin de là, et c'est bien dommage. Et voilà ce qu'on peut dire. Un mot peut-être, Hélène Budzinski, sur l'échelle de la toxicité. Il y a des hydrocarbures, des pétroles plus toxiques, plus difficiles à appréhender, à contrôler. On ne parle pas du nettoyage encore, mais là on va rester en mer encore pour le moment. En tout cas, essayer d'éviter de maintenir pour éviter justement la pollution des sols et des côtes. En fait, les pétroles sont des mélanges très complexes de milliers, de millions de molécules. Donc, quand on parle du pétrole, on a un cortège qui va être tout le temps différent d'un pétrole à l'autre. et d'un type de pétrole. Alors, il y a des pétroles bruts, des pétroles raffinés, un diesel, une essence, c'est du pétrole. Un pétrole brut, c'est encore du pétrole. Des résidus de raffinage, c'est aussi du pétrole. Et tout ça est très différent. On a parlé de lourd et de léger, mais au-delà de lourd et léger, c'est des molécules. Ces molécules, pour certaines, sont peu toxiques, comme d'ailleurs peu ou très dégradables. D'autres molécules sont, à contrario, très toxiques. Par exemple, et la toxicité. Bah, typiquement des hydrocarbures aromatiques, par exemple, qui vont être bien plus toxiques que des hydrocarbures aliphatiques. Expliquez-nous la différence entre les deux, par exemple, rapidement, s'il vous plaît. Alors, un hydrocarbure aromatique va être fait de cycles aromatiques, hein, et donc de structures fermées qui vont avoir donc déjà une stabilité parfois plus importante et une toxicité parce qu'on aura une interaction avec certains récepteurs métaboliques. On trouve notamment dans ces familles-là des hydrocarbures cancérogènes, alors que d'autres molécules sont linéaires et du coup n'ont pas la même interaction avec nos récepteurs et l'ADN par exemple. Les hydrocarbures aromatiques, ils servent à quoi notamment ? Alors ils servent à rien, ils sont présents. En fait, ça sert pas à grand chose à la base. C'est présent. Donc c'est présent naturellement dans les pétroles. On a une part d'hydrocarbures saturés, une part d'hydrocarbures aromatiques. On a tendance à vouloir privilégier plutôt les saturés qui vont avoir plus de propriétés pour nos carburants. Mais malheureusement, les pétroles sont ce qu'ils sont et ça dépend des origines géographiques. Alors actuellement, on a des pétroles qui, dans certains cas, contiennent plus de composés aromatiques parce que les pétroles légers ont déjà été exploités. Et quand on les raffine, ce que nous on veut obtenir est débarrasser de ce qui est toxique ou des impuretés. Et donc généralement, les résidus de raffinage, eux, sont plus contaminés et concentrés en ces composés qu'on ne veut pas, qui sont indésirables, qui sont toxiques et qui ne servent pas à grand chose. Et ces résidus de raffinage, c'est ce qu'il y avait par exemple dans l'Erica. Tout à fait. Et du coup, là, on a vraiment une toxicité augmenté puisqu'on a concentré et post-formé des composés dont on a en fait que faire, hein, qui vont être toxiques. Et ce qui est intéressant du coup, Nicolas Tamik, c'est que vous avez, vous, un équipement que vous appelez le Polydrome et qui permet justement de tester en laboratoire les réactions chimiques, c'est-à-dire ces émulsions dont vous nous parliez, pour pouvoir bien du coup adapter la réponse, pour pouvoir bien les récolter, les ramasser, éviter leur dispersion lorsque, en cas de marée noire. Vous pouvez nous raconter comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Alors, avant de commencer, il est nécessaire, je pense, de cibler ce qu'on cherche à faire lorsqu'on fait une lutte en mer. On cherche à récupérer le plus vite possible du pétrole pour éviter qu'il arrive à terre. Ça, c'est la première mission. Et c'est dans ce cadre-là de déterminer les principaux paramètres physiques du pétrole. Tout ceci afin d'adapter les moyens de lutte au fur et à mesure que cette lutte va s'écouler dans le temps. Je vous l'ai dit, le pétrole, comme vient de le dire ma collègue du CNRS, il y a des millions de pétroles, il y a des millions de vraiment, ils ont chacun un ADN très très particulier, et il va falloir pouvoir déterminer les principaux paramètres physiques qui vont permettre donc d'adapter les moyens au jour J, puis après au jour J plus 7, puis J 14, puis enfin jusqu'à la fin des opérations. Et donc pour ça, il va falloir déterminer la viscosité du produit, c'est-à-dire sa résistance à l'écoulement. Il va falloir déterminer sa densité, c'est-à-dire son degré de flottabilité, hein, puisque c'est un pétrole, donc c'est une huile, normalement elle flotte, mais certains pétroles flottent plus ou moins bien, et de moins en moins dès lors que le temps s'écoule. Il va falloir déterminer aussi son point d'écoulement, sa volatilité, donc sa capacité à s'évaporer. Son point d'écoulement, c'est-à-dire ? Comment ? Son point d'écoulement, c'est-à-dire ? Le point d'écoulement, c'est-à-dire la température en dessous de laquelle le pétrole ne s'écoule plus. Si vous êtes dans une mer au niveau Alaska, par exemple, le pétrole ne va plus s'écouler. Hein, voilà, donc c'est des choses à prendre en compte. Là, par exemple, en 2019, on a eu un naufrage qui s'appelle le Grand America, avec un navire qui est maintenant au fond de l'eau avec moins de 2000 tonnes de brut, de fuel de propulsion plutôt, au fond de l'eau. L'eau est à 3 degrés, le point d'écoulement est supérieur, donc normalement le pétrole ne s'écoule plus du navire, ne sort plus du navire. Mais Ça, c'est le principe général. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le fioul est quelque chose qui remonte, qui a naturellement remonte, et il cherchera toujours des interstices dans le navire pour tenter de s'échapper et de remonter à la surface. Donc, on va étudier ses principaux paramètres physiques. On va aussi étudier la teneur en asphaltène, c'est-à-dire finalement la capacité à s'émulsifier. Je vous parlais tout à l'heure de l'émulsification qui alourdit considérablement les tâches de lutte. L'émulsification, ça transforme le pétrole en sorte de mousse au chocolat, c'est une couleur orange, idoine, oui. Marron. Hein, voilà. Voilà. Donc, on va avoir chez nous, au Cèdre, au-delà de notre laboratoire qui est très très pointu en matière de caractérisation des pétroles et d'identification des pétroles, on va avoir en plus un outil qui est assez gros, qui fait 12 mètres de long, et dans lequel on va verser soit de l'eau douce ou de l'eau de mer, hein, suivant ce qui est. Suivant la pollution en cours, on va l'adapter au niveau environnemental. Donc, si c'est une pollution en marée tropicale, eh bien, on va travailler sous atmosphère contrôlée à 30 degrés. On peut le faire aussi en atmosphère négative ou en atmosphère tempérée. Dans ce canal de 12 mètres de long, on va reproduire les effets de la mer, c'est-à-dire qu'on va reproduire le vent. Tout à l'heure, on entendait les gens du Thorécagnol qui parlaient du vent de Norrois. Et ben, on va créer ce vent de Norrois par l'intermédiaire d'une soufflerie qui va souffler donc à la surface du flux. On va créer aussi un courant avec une hélice qui va créer donc un courant. Une houle avec un brasseur, un batteur de vagues qui va être mis en place. Et on va disposer également des lampes à UV à très forte puissance qui vont simuler donc le processus de photooxydation. Et ça va permettre de voir comment le pétrole va vieillir dans le temps. Et ça va permettre pour nous en tout cas, qui sommes les conseillers, on est une aide à la décision au profit des autorités terrestres et maritimes, ça va permettre de dire au préfet maritime, ben voilà, votre pétrole, au jour J, il est comme ça, mais dans les prochains jours, il va vieillir de cette manière-là. Donc, vous partez en mer avec votre matériel, mais n'oubliez pas, avec tel type de matériel, mais n'oubliez pas que dans 10 jours, le pétrole aura totalement changé de nature et de figure, si vous voulez, et il vous faudra en plus emporter un autre type de matériel. Bien sûr. C'est-à-dire que vous permettez de ségréguer entre guillemets les types d'interventions qui vont être nécessaires justement pour maîtriser ces hydrocarbures. En un mot, peut-être, Hélène Budzinski, il y a différentes familles d'interventions. On peut, j'imagine, les combiner. Quelles sont-elles? On parlait tout à l'heure des dispersants, mais on se rend compte que les dispersants peuvent être plus toxiques que le pétrole lui-même. Quelles sont aujourd'hui les grandes familles d'interventions qui permettent, eh bien, d'endiguer une marée noire en pleine mer avant qu'elle n'atteigne les côtes? Dans le passé, il est vrai, donc on a utilisé beaucoup de dispersants. On a même utilisé des ensemencements pour favoriser la dégradation bactérienne. Donc ça a été beaucoup sujet à caution. Je pense actuellement, alors c'est un petit peu moins quand même mon domaine, je pense que Monsieur Tamik serait plus pertinent, mais en fait c'est collecté pour empêcher le plus possible la dispersion. Plus ça sera dispersé, plus la zone impactée sera importante. À un moment donné, on peut se dire bah pourquoi pas, parce que ça dilue. Bah sauf qu'ensuite, on a vraiment une zone très très très très large à traiter. C'était ce qui s'est passé par exemple pour l'Erika, la zone très très très importante qui a été impactée a causé d'énormes dommages environnementaux et économiques, et finalement on a été très démunis. Donc vraiment intervenir très vite, bloquer l'avancée des nappes, les circonscrire, faire des barrages, des boudins, filtrer finalement et agréger. Bon, on a entendu dire, hein, parfois couler pour que ça reste stocké. Bon, à gérer, je pense, avec justement en ayant une vision de ce qu'est le pétrole, puisque parfois quand ça coule, ça peut ensuite être préservé très longtemps et diffusé. Donc ça peut parfois jouer le rôle de réservoir, le fait de faire couler ou bloquer. Du coup, on a une diffusion à très long terme. Donc le brûlage, c'est une technique qu'on utilise encore? Hélène Budzinski, je vous pose la question. Alors, je ne sais pas, vous voyez. Moi, dans mon domaine environnemental, j'aurais tendance à pas le préconiser. Parce que quand on brûle des hydrocarbures, on génère des hydrocarbures encore plus toxiques. Nicolas Tamic, voilà. Sur le brûlage, en un mot. Oui, le brûlage, c'est quelque chose qui a été mis en vigueur à très très grande échelle, avec d'abord des tests qui ont été faits, il me semble, c'était sur l'Exxon Valdez, mais ça, j'ai ma mémoire qui me fait défaut. En revanche, de manière certaine, ça a été mis en œuvre vraiment de manière massive dans le cadre du désastre de Deepwater Horizon. Ah oui, Deepwater aussi, bien 2010. Sûr. En 2010, les autorités américaines étaient vraiment submergées par ce désastre, hein, qui est représenté 4 fois la Mococadis. Hein. On est sur une pollution de l'ordre de 800 000 tonnes, ce qui est énorme. On rappelle brièvement que Deepwater Horizon, c'était une plateforme d'extraction pétrolière dont l'un des tuyaux d'extraction a rompu, et ça a créé non seulement une catastrophe d'envergure, mais ça a surtout déversé une quantité astronomique, comme vous le disiez, Nicolas Tamic, d'hydrocarbures en pleine mer dans le golfe du Mexique. Tout à fait. Avec donc des processus d'élimination du pétrole qui ont été à l'américaine, hein, finalement. C'est-à-dire, les Américains ont encerclé les nappes, hein, pour en faire, pour qu'elles aient une certaine épaisseur, et ils ont mis le feu finalement aux nappes, et ça a brûlé donc le pétrole en mer, mais avec une grosse contrepartie, c'est que ça a créé aussi de fortes émanations de fumée, de toxiques dans l'air. Donc c'est le brûlage, ce qu'on appelle le brûlage in situ, enfin en anglais in situ burning, c'est pas quelque chose qui est à court actuellement au niveau européen, du fait de ces émanations toxiques dans l'air. Ceci étant dit, on mesure, nous, on a travaillé beaucoup sur Macondo, parce que c'est le nom du puits, mais sur Deepwater Horizon, on a travaillé sur les suies issues de la combustion de ce pétrole, pour savoir si les suies qui ensuite retombaient dans l'eau et pouvaient être récupérées ou coulaient. Voilà, parce qu'une suie, c'est aussi quelque chose de polluant, et donc c'est pour ça que actuellement le brûlage in situ, c'est une technique qui n'est pas suffisamment connue, notamment au niveau des conséquences environnementales, pour que ce soit vraiment mis en œuvre, notamment dans des côtes au large de côtes particulièrement habitées, telles que sont les côtes européennes. Hélène Budzinski, vous vouliez intervenir. Oui, parce qu'on sait quand même dans d'autres domaines, c'est que quand on brûle des hydrocarbures, on finit par générer réellement des hydrocarbures, pour le coup majoritairement excessivement cancérogènes, génotoxiques, toxiques et rémanents. C'est comme ça qu'on crée les hydrocarbures aromatiques polycycliques notamment. Donc on va réduire la quantité, la masse, on la réduit, mais on la transforme en quelque chose de plus... plus petit, mais plus concentré. C'est vraiment Ouais, c'est peut-être dans l'urgence, mais c'est vraiment. C'est pas une solution idoine, diriez-vous. Absolument. Non, je pense que c'est pas du tout une solution durable et écologique, parce que ensuite on crée vraiment des molécules qui vont avoir une durée de vie, là pour le coup, excessivement longue. Les phénomènes de suie, c'est connu aussi, hein. C'est mobile, c'est persistant dans l'environnement. L'impact à long terme est certainement très préoccupant. Alors, au rang des solutions moins toxiques, plus innovantes, figurez-vous que nous avons tous une arme de lutte massive contre les marées noires sur la tête, et encore plus les coiffeurs et les coiffeuses qui, en collectant des cheveux, peuvent contribuer à la lutte contre la diffusion des nappes d'hydrocarbures, ce qui explique, Antoine Beauchamp, cette très élégante coupe de cheveux que vous avez ramenée dans votre dernier reportage. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pas mal, hein? Bien dégagé. Super bien. Les oreilles, voilà. Magnifique. Oui, je suis allé à Clermont-Ferrand à la rencontre d'une start-up qui s'appelle Capilum. J'ai rencontré James Taylor, qui en est le cofondateur et qui a mis en place, avec son associé Clément Baldelou, un réseau de récupération de cheveux coupés dans les salons de coiffure en France et ailleurs, le tout pour les revaloriser. Si l'une des pistes de réexploitation de ces cheveux est la recherche biomédicale liée à la réutilisation de la kératine contenue dans les cheveux, l'autre piste concerne la lutte contre les marées noires. James Taylor nous explique donc comment, du salon de coiffure à l'océan pollué par les hydrocarbures, les cheveux pourraient permettre de réduire les effets polluants d'une marée noire en absorbant le pétrole rejeté. Capilum, ça part d'un constat que je fais avec mon associé Clément Baldelou. On s'est rendu compte en fait que la quasi-totalité des cheveux, des salons de coiffure partaient dans la poubelle des ordures ménagères et qu'il n'y avait aucune solution à apporter pour valoriser ces déchets qui étaient existantes. Nous, on a donc décidé de créer Capilum, une solution pour les coiffeurs qui permette à ces 4000 tonnes de déchets hein, quand même générés chaque année en France d'avoir une seconde vie. On diminue du coup de 50% les déchets des coiffeurs. Et derrière, on les valorise de différentes manières, à savoir progrès médical avec la kératine, mais on est aussi capable de valoriser la fibre pour créer des alternatives écologiques sur des marchés qui sont actuellement saturés de produits pétroliers. À partir de quand vous vous êtes dit que les cheveux pourraient être utiles pour lutter contre les pollutions aux hydrocarbures dans les eaux de mer ? On a en fait été contacté il y a de ça un an et demi par des zones portuaires françaises qui nous avait dit avoir vu effectivement que par le passé les cheveux avaient été utilisés pour absorber les hydrocarbures. On parle notamment de la pollution Deepwater en 2010. À ce moment-là, en fait, ces acteurs nous ont dit écoutez, c'est bête, mais il n'y a pas besoin de marée noire pour que y ait des hydrocarbures à absorber. On a ça effectivement, nous, on est en contact dans les ports. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de créer finalement des adsorbants naturels, des alternatives plus écologiques pour ce type d'application? Et en fait, fort de ces travaux qu'on mène depuis un an et demi, effectivement, on a eu une certaine légitimité à pouvoir répondre sur la problématique l'île Maurice. C'est d'ailleurs pas nous qui sommes allés contacter l'île Maurice. En fait, c'est une dame qui s'appelle Françoise Gachet, qui, comme elle se décrit, une simple mauricienne qui a voulu sauver son île, qui s'est rapprochée de Projet Rescue Océan, ONG internationale, qui, du coup, a été mise en relation avec Capilum. On a pu échanger avec elle le lundi 10 août. Elle nous a dit, moi j'ai lancé une mobilisation mauricienne pour voir si les cheveux ne pouvaient pas contrer la marée noire. Mais elle s'est vite rendue compte que ce ne serait pas suffisant. Et c'est là où on a décidé, nous, d'agir. Et nous, on s'est dit, on va essayer de mobiliser le secteur de la coiffure pour pouvoir aider. Alors, comment ça se présente? On ne jette pas des cheveux comme ça dans la mer. Comment ça se présente? Sous quelle forme vous concentrez ces cheveux pour absorber des hydrocarbures qui sont présentes dans les eaux maritimes? Alors en fait, il faut savoir que le cheveu, c'est une matière qui absorbe naturellement donc les hydrocarbures. Il est oléophile et hydrophobe. Il est capable d'absorber jusqu'à 8 fois son poids en huile. Donc tout simplement, cette matière qui est très très intéressante, elle est disposée dans des gaines. Ça pourrait ressembler à des traversins et ça permet, une fois disposé sur les littoraux mais aussi en mer, de préserver certaines zones. Là, par exemple, pour la marée noire à l'île Maurice, l'idée est de pouvoir préserver certains lagons, certaines mangroves qui ont justement une biodiversité exceptionnelle. Mais ça permet aussi derrière d'absorber les hydrocarbures sans se gorger d'eau. Donc vous avez une pollution maritime qui est justement en surface, vous absorbez les hydrocarbures et après ça vous permet, parce que c'est aussi souvent la question, ça vous permet de prendre du coup l'absorbant une fois souillé et de le mettre dans un fût justement pour que ça parte derrière pour de l'élimination et donc vers un centre de traitement des déchets agréés. Alors, on n'est pas ici dans vos locaux de test, on est dans vos bureaux, mais est-ce que vous pourriez me montrer éventuellement à quoi ça ressemble et puis voir un petit peu l'effet de ces boudins absorbants constitués de cheveux qui absorbent les hydrocarbures? Écoutez, bien sûr, je vais pouvoir vous montrer même un test que l'on a fait dans nos labos où on voit la capacité d'absorption et même de filtration du cheveu. Regardez, ça, c'est un test qu'on avait fait. Il y a une bouteille plastique avec au milieu un disque fait de cheveux d'un centimètre de large. Et à ce moment-là, en fait, on verse de l'eau qui est souillée avec un certain nombre d'huile W50. Et vous allez voir effectivement la capacité sur cette vidéo de filtration du cheveu. Ça montre vraiment en fait la capacité de filtration, certes, du cheveu. Mais là, il faut imaginer que c'est presque une barrière qui est disposée pour pouvoir préserver, encore une fois, certaines zones. C'est-à-dire que sur une marée noire, il faut pouvoir agir vite. Il faut pouvoir agir, effectivement, de manière pertinente et intelligente pour essayer de sauvegarder ce qu'il y a de plus précieux. Alors, il n'y a pas un seul type de marée noire, il n'y a pas un seul type d'hydrocarbures. Est-ce que les cheveux sont efficaces contre tous les types d'hydrocarbures sans exception, ou bien est-ce que c'est quand même plus efficace pour certains types de fuel, certains types de pétrole? sur tous les tests qu'on a fait, on a justement, on est en moyenne beaucoup plus compétitif justement que les alternatives synthétiques. Il y a aussi certaines études qui ont été faites, que ce soit de la part de la NASA, mais aussi l'US Air Force, mais aussi une étude australienne qui est faite à l'université de Sydney, qui montre, Rebecca Panyuko montre que 98% des hydrocarbures sont absorbés par les cheveux. Donc c'est véritablement une matière qui a son efficacité pour ce type de pollution, tout simplement parce que voilà, c'est bête, mais si on se lève les cheveux, c'est pour éviter qu'ils deviennent gras, parce que de par leur structure écaillée, ils absorbent finalement tout le sébum, les corps gras, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que à partir d'un déchet que l'on jetait jusqu'alors, qui représente quand même encore une fois 50% des poubelles des coiffeurs, on arrive à apporter des alternatives plus durables, plus écologiques sur des marchés où oui, on utilise du synthétique. Les cheveux comme moyen de lutter contre les marées noires, une réaction à ce reportage que vous venez d'entendre, Hélène Budzinski. Oui, je trouve ça. En fait, je trouve ça très intelligent dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on utilise un déchet pour avoir un moyen de lutte adapté. Alors c'est pas nouveau. Hein. Moi, j'avais travaillé avec les paludiers de Guérande qui avaient fait des barrages avec des sortes de la paille, des algues séchées pour préserver leur marée. Et ça a bien marché. Sauf que la paille, les algues, c'est assez lourd. Ça va être beaucoup moins hydrophobe. Donc ça va capter à la fois de l'eau et les hydrocarbures. Et c'est vrai que les cheveux qui vont être assez légers, très denses, qui vont avoir une grande surface spécifique, vont avoir certainement une très bonne pertinence. Ça va combiner toutes sortes d'aspects tout en étant finalement non synthétique et naturel. Et naturel, voilà, c'est une très bonne chose. Et pas toxique, moins toxique que beaucoup de choses. Donc voilà, et très, très facile à transporter aussi. Donc a priori, plutôt gagnant-gagnant. Vous partagez ce point de vue, Nicolas Tamy ? Alors, gagnant-gagnant, oui et non. Mmh. Je pondérerais un peu tout ça. Dans le cadre des moyens de fortune qu'on utilise dans un premier temps. Et puis, en revanche, les premiers tests donc qu'on a pu effectuer sur ce type d'absorbant laissent supposer qu'il réunit pas les conditions imposées par les normes. Vous savez que nous, on a donc une liste de produits absorbants qui est référencée, qu'on fait, qu'on teste par l'intermédiaire de normes, de normes AFNOR. Et on pourrait considérer cet absorbant comme étant un absorbant tout liquide, mais pas à utiliser sur les hydrocarbures. Très bien dans un premier temps parce qu'on a que ça, notamment par exemple à l'île Maurice, l'île était dépourvue de moyens d'intervention. Donc en effet, on a vu ce mouvement de la population mauricienne mettant à disposition des acteurs de la lutte des cheveux, mais je dirais comme étant un moyen de fortune uniquement, car la capacité d'absorption du cheveu n'est pas, comme je l'ai entendu, enfin en tout cas d'après ce que nous on a mesuré dans nos laboratoires, n'est pas de 8 fois le poids en huile. Nous on est arrivé à des maximums de 2,7 fois le poids en huile. Donc ça pondère un peu le propos. Ça ne retire pas complètement l'intérêt initial, malgré tout. Du tout, au contraire, parce que on est toujours dans ce concept de la lutte, de la lutte contre la montre. Et c'est vraiment ça. Donc on utilise tous les moyens qu'on a dans un premier temps, et puis après on les affine. Les absorbants, il y en a de tout type. Il y a pas que des absorbants synthétiques. Ou des polymères qu'on utilise. Hein. Il y a aussi des produits qui sont déjà biosourcés, qu'on utilise très très souvent. Comme par exemple la tourbe, le liège, la cellulose, choses comme ça, hein, du collagène, sont des absorbants d'origine végétale ou biosourcés qui permettent et qui sont très très efficaces. On a aussi des produits d'origine minérale, comme de la terre de diatomée, des choses comme ça. Et on a en effet aussi des produits synthétiques qui peuvent malgré tout être issus de l'économie circulaire. Mmh. Je pense tout ce qui est polyuréthane revalorisé à partir de différentes matières. Donc si vous voulez, les absorbants, c'est très très intéressant puisque justement on peut malgré tout respecter l'environnement en les utilisant. Mais le cheveu, c'est en effet un outil intéressant, mais je dirais dans un premier temps de la lutte, et après il faut rapidement passer à des produits qui sont vraiment pleinement efficaces et normés. On va voir hein, quelles sont encore un certain nombre d'armes de lutte contre les marées noires. On a beaucoup parlé de la lutte en pleine mer, il va falloir poser aussi la question de ce qui se passe quand, malgré ce premier barrage, les plaques d'hydrocarbures ou les galets d'hydrocarbures arrivent sur le littoral, mais on va en parler dans quelques instants, juste après se poser des questions qui sont aussi des questions de gouvernance et de gestion légale. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45, eh bien, comme tous les mercredis, ça va être l'heure de retrouver la recherche montre en main de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Clémentine Corvest. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez en troisième année de thèse en histoire contemporaine au laboratoire CRBC, hébergé par l'Université de Bretagne Occidentale, sur la gouvernance et gestion des pollutions maritimes du Torrey Canyon à nos jours. Bienvenue, on vous écoute. Merci. Donc, comme vous l'avez dit précédemment, à partir de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, on a vraiment une augmentation considérable donc d'une nouvelle pollution que sont les pollutions maritimes par hydrocarbures, donc qui sont de taille plus ou moins variable, mais qui sont surtout extrêmement concomitantes avec le fort développement du transport et du commerce maritime. Et donc la multiplicité, donc vous avez cité le Torrey Canyon, effectivement, qui va impulser la mise en place d'un régime d'indemnisation internationale, mais aussi la Moco Cadiz en 78 avec ses 220 tonnes sur les côtes bretonnes. Et ces multiples pollutions vont aboutir à la création d'un régime international d'indemnisation, donc sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, qu'on appelle donc le régime CLC-FIPOL, donc qui est composé de deux conventions. La convention sur la responsabilité de 1969, qui est aujourd'hui la convention sur la responsabilité de 1992, qui instaure un système de plafond d'indemnisation plus ou moins haut en cas de pollution, et une convention en fait qui porte la création de fonds d'indemnisation des pollutions en fait des dommages causés par les hydrocarbures qu'on appelle les fonds FIPOL et dont le premier est mis en place en 1971. Donc cet encadrement constitue une évaluation en fait des dommages et des modes d'indemnisation en fait des victimes, qu'elles soient publiques ou privées, donc qu'il s'agisse d'État ou de structures professionnelles telles les pêcheries ou les organismes de tourisme. Et on a un système de financement d'indemnisation des victimes qui repose essentiellement sur les compagnies d'assurance des navires, l'industrie pétrolière et les cotisations des États membres, puisque ce système conventionnel international repose sur l'adhésion volontaire des États. Mes recherches, notamment, s'appuient sur les rapports d'activité annuels, donc de ces fonds d'indemnisation créés par la Convention de 71, puis remplacés par les fonds de 92 et de 2003, mais également aussi sur tous les textes de législation qu'on pourrait considérer comme concurrentiels ou complémentaires, c'est-à-dire que je les compare essentiellement avec la législation, notamment de l'Oil Pollution Act, qui est un système national similaire mis en place aux États-Unis, donc pour gérer les pollutions par hydrocarbures aux États-Unis, mais aussi sur les directives européennes qui ont été mises en place après l'ERICA. Ce qui me permet en fait d'interroger dans le temps et dans l'histoire en fait l'institutionnalisation et la mise en place éventuelle d'un système de gouvernance des pollutions par hydrocarbures. Le fait qu'il existe plusieurs législations concurrentielles ou à échelle différente pose la question d'un modèle unifié ou plutôt de gouvernance complémentaire ou voire parfois contradictoire. Et il y a tout ce travail dans l'institutionnalisation également de la mise en place de critères de recevabilité de demandes de dommages, des types de dommages, qui posent essentiellement la question de l'environnement et de la définition du critère et du dommage à l'environnement, puisque le système CLC-FIPOL, en fait, fait date, puisque c'est un des premiers systèmes d'indemnisation sur ce modèle-là qui est mis en place donc en 69 et 71, il est repris d'ailleurs au sein de l'Organisation maritime internationale pour d'autres types de pollution, mais aussi dans d'autres domaines comme l'indemnisation des victimes en fait des mines antipersonnelles. On a ce côté modèle, mais on a aussi ce côté de remise en cause actuelle en fait d'un espèce de carcan qui voudrait qu'on ait une appréhension beaucoup trop traditionnaliste des dommages et beaucoup trop stricte des dommages, et notamment des dommages à l'environnement, qui se confronte en fait avec cette ligne sociétale et sociale en fait, qui est la ligne environnementale actuelle, et des définitions qui sont très variables selon les légalistes, les juristes, les politiques, ou même la société en général. Merci beaucoup Marie-Clémentine Corvès pour votre présentation. Un mot, peut-être une réaction, Hélène Budzinski ou Nicolas Tamik, sur l'évolution des législations internationales. On sait notamment que... Juste une petite précision, Marie-Clémentine, vous avez dit 220 tonnes de pétrole pour la Mococadie, c'est évidemment 227 000 exactement. Il manquait le 1000 à la fin. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est que 220 tonnes, ça n'aurait pas été très très grave. Non, il n'y a pas de problème, c'était juste pour préciser pour nos auditrices et nos auditeurs. Un mot peut-être, Hélène Budzinski ou Nicolas Tamik, sur une certaine cacophonie internationale entre une législation très dure américaine, justement post-Axel Valdez, et l'Europe qui, après l'ERICA, a mis un certain nombre de législations en cours au fur et à mesure, qui s'appelaient les paquets ERICA 1, 2, 3, et tout ça n'est quand même pas très très synchronisé, dirons-nous. Un mot, une réaction, un commentaire à ce propos, Hélène Budzinski? Oui, bah en fait, on voit la même chose finalement que dans d'autres domaines de pollution maritime, hein, pas que d'ailleurs, pollution classique, air, eau et sol. C'est qu'en fait, il faut des séries de problèmes et de crises et de catastrophes finalement pour qu'on prenne petit à petit les bonnes... on va dire prise de position qui aboutissent à des réglementations. Donc en Europe, c'est vraiment la séquence, ou du moins oui, en Europe c'est la séquence qui va jusqu'à ERICA, on l'a entendu. Finalement, ERICA fait boucle toute une série de crises, et puis on arrive enfin à ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire ce qui a été redit au tout début par Monsieur Tamik, hein, des pétroliers qui sont beaucoup plus sûrs, double coque, etc., une réglementation stricte qui fait que bah finalement on arrive alors pas à éliminer, hein, parce que l'accident par définition n'est pas prévisible. Tu vois ce qui s'est passé sur l'île Maurice tout à l'heure, enfin cet été, hein, donc. Oui, mais c'est ce qui a été dit. C'était pas un pétrolier au sens propre du terme. C'est un bateau finalement de catégorie moindre qui est moins contrôlé. Et donc lui, ben c'est, alors c'est pas une épave, mais voilà, c'est pas le super tanker. Et après, c'est pas au niveau mondial. Donc il y a des zones qui ne sont pas couvertes par ces réglementations. Les voies maritimes changent. Donc nous, on était des voies maritimes très très courues, très fréquentées. Bon, maintenant peut-être un petit peu moins. Enfin, et en tout cas, le commerce se décale, et vers des zones qui sont beaucoup moins suivies et beaucoup moins strictes en réglementation. On a besoin de ça en fait, on a besoin de sa réglementation. En parlant des voies maritimes, on peut spécifier par exemple qu'après le Torrey Canyon, on a fait passer au large les pétroliers qui étaient chargés, qui remontaient vers le nord, et que passer plus près des côtes, on a inversé en fait le sens de circulation pour que soient plus près des côtes les bateaux qui sont vides et qui repartent plutôt que les bateaux pleins. J'aimerais qu'on dise un mot, Nicolas Tamik, tout de même, qu'on ait le temps de parler un peu de ce qui se passe et aujourd'hui de ce que la science peut faire à un autre moment, qui est un moment très compliqué, qui est un moment aussi très dur pour les habitants, pour les riverains, pour tous les gens qui vivent aussi de la mer, pour les pêcheurs, bref, qui vivent sur les côtes, lorsque les barrages n'ont pas été suffisamment étanches pour retenir tous les hydrocarbures, et que s'échouent ces fameuses galettes, ou en tout cas ces mousses au chocolat qui ont été battues, rebattues, ces produits pétroliers qui sont transformés et qui ruinent complètement le littoral et l'écosystème du littoral. Aujourd'hui, y a-t-il des méthodes d'action bien plus scientifiquement poussées, perfectionnées, pour éviter ces fameuses images dont on parlait tout à l'heure, de la mouette engluée du Torrey Canyon? Alors, on est toujours dans la lutte contre la montre, avec le pétrole qui arrive, et dès lors qu'il arrive sur la côte, on va faire ce qu'on appelle un ramassage grossier. Le ramassage grossier, c'est, en gros, c'est retirer le plus de quantité le plus vite, pour éviter ce qu'on appelle les remobilisations, parce que souvent, lorsque le pétrole arrive à terre, à la faveur des marées, il peut repartir en mer et revenir après impacter une autre zone. Donc on fait d'abord ce qu'on appelle un ramassage grossier, qui va se faire soit de manière manuelle, soit de manière mécanique. manière mécanique, c'est par exemple des pompes hein, qui vont pomper le pétrole sur la plage, admettons que ce soit la plage. On peut faire aussi donc du ramassage manuel, et c'est par exemple ce qui est en cours là, actuellement à l'île Maurice, puisque les 32 km de côte qui ont été touchés par l'arrivée du pétrole, c'est une zone qui est particulièrement sensible. C'est une zone essentiellement composée de mangroves. La mangrove, on la nettoie avec beaucoup de délicatesse, et donc là on est sur du ramassage vraiment manuel. On va gratter les racines des mangroves, enfin c'est vraiment un travail très long, très fastidieux. Ça peut être aussi le cas dans des zones, dès qu'on a une zone Natura 2000, dès qu'on a une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique, on va forcément travailler de manière très adaptée à l'environnement. Le but, c'est pas de rendre la nature plus blanche que blanche. C'est ce qui plaît pourtant notamment aux hommes politiques, c'est ce qui plaît aussi à la population d'avoir des cailloux très très blonds. Si vous nettoyez un rocher avec une lance à haute pression, eh bien vous allez, alors en effet, le pétrole va partir, mais vous allez aussi enlever tout le biofilm qui est sur ce caillou. Or, stériliser en quelque sorte le caillou. Hein. Ouais, tout à fait. Le but, c'est vraiment de remettre la nature dans son état d'origine, et c'est ça qu'on préconise nous systématiquement, quitte à ce que ça prenne du temps. Mais c'est aussi un message qu'on fait beaucoup passer auprès des autorités en charge de la lutte, et surtout aussi auprès des populations, auprès des communautés de communes, auprès des maires. C'est que il faut accepter qu'il restera du pétrole sur la côte. On ne peut pas tout nettoyer. Et c'est vraiment quelque chose qui est important à faire. On ne peut pas rendre la nature comme à son état d'origine. Ça, c'est quelque chose de très important. Pour conclure, parce qu'il reste vraiment quelques minutes, juste Hélène Budzinski, pour conclure, en un mot, un littoral touché par une marée noire, c'est un littoral touché, détruit, abîmé pendant combien de temps? La résilience d'un littoral, ça va de combien de temps à combien de temps? Est-ce qu'on a des idées, des moyennes, ou est-ce que tout c'est trop différent pour pouvoir tirer des moyennes ou des... C'est très dépendant du type de littoral. Bon, typiquement, tout ce qui est mangrove, tout ce qui est lagune, tout ce qui est environnement à sédimentation importante, sédiments fins et peu d'oxygène, il va y avoir des rémanences très importantes. Hein. On a retrouvé, je crois qu'on retrouve encore des traces de la Mucocadis, parce que justement, c'est rentré dans des zones d'accumulation et de préservation. A contrario, des littoraux très rocheux, battus par les vents, par le soleil, c'était le cas un peu de l'Exxon Valdez, ça va se dégrader beaucoup plus vite. Donc ça va être très dépendant du milieu. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, c'est ce qui a été dit, adapter les moyens de lutte et de dégradation, enfin de nettoyage, au type d'environnement. Et puis préserver au maximum les environnements fragiles, empêcher, c'est ce qui avait été fait pour Erika à des moments. Typiquement, le trait du Croisic avait été protégé, et donc on n'avait pas eu besoin de le nettoyer. Et on l'a certainement bien fait à cette époque-là. Un mot, justement, Nicolas Tamik, un mot de conclusion. Ouais. Vous parlez des nouvelles techniques. Ces nouvelles techniques, c'est par exemple le recours à la nature. On peut faire des actions de bioremédiation. C'est-à-dire, ça se passe comment? On va utiliser des bactéries. D'accord. Des bactéries qui vont finir le travail ou qui vont accélérer le travail de dégradation du pétrole. Là, actuellement, on mène au CEDRE avec, par l'intermédiaire d'une de nos doctorantes, des travaux sur des champignons qui ont une capacité à dégrader le pétrole. Donc, on a un socle de moyens d'intervention très intéressant qu'on connaît bien, et puis on est aussi dans une phase de recherche et développement qui permet d'affiner ensuite les travaux de remise en état du littoral grâce à ces nouvelles techniques. Merci beaucoup Hélène Budzinski, merci Nicolas Tamik d'être venu nous parler justement bien de la façon dont la science a amélioré et peut continuer aujourd'hui à lutter contre les marées noires. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, François Malordi, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Un mot pour vous dire que, comme tous les mercredis, eh bien, vous pouvez retrouver aujourd'hui les idées claires sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, avec cette question aujourd'hui: y a-t-il vraiment deux souches en circulation du coronavirus? Une réponse scientifique et étayée qui est disponible également en podcast sur votre application de podcast et notamment celle de Radio France. Demain, nous allons faire de l'archéologie de la transmission, comment via le registre fossile nous avons trouvé des indices de la façon dont dont nos ancêtres ont appris à apprendre. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.